toute la création t'adore. Tu es le véritable au-dessus de tout. Il n'y

bombe de feu. Allez, Nyata, Tokonyata, Andopi, Tokonyata, Ademo, Tokonyata, Satana, Tokonyata. Yeah. Mbumbu yokote Azala kana bakondi babale Nzoto yo suka nanga wana Ote moli mosantu Ame mangana lola Jésus soit mon ami. Aujourd'hui, dès ma lettre.